Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre l'édition de la soirée de ce samedi, dont voici les principales articulations. Vestine, tel est le nom de la gagnante du concours Isanganiro Award, la 6e édition, avec sa chanson intitulée Vuga. Il vient après les 5 derniers gagnants, dont Rally Joe avec les Kanahe, Yoya, Wimvagute, Mkombozi de sa chanson Urudubi, N'John de Karuzi Ndasavye Ijambo et Spokesman avec sa chanson Burundi. Et dans la ville de Gitega, on parle d'une paralysie dans le travail des taxis-motards où le commissaire provincial de la police parle d'un contrôle de routine et que ces motards sont devenus trop nombreux. Adoption d'une résolution dans la 7e session des États membres de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui s'est tenue à Vienne, en Autriche. Et vous suivrez dans cette édition Gabriel Fili, le président de l'UICOM, qui a pris part à cette 7e session. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui va vous être présenté par Thierry Foyot-Correra au micro et Jean Dodieu à la cabine technique. Vous allez nous excuser pour cette erreur technique qui vient de se passer. La décision de la Cour pénale internationale d'entamer une enquête sur le Burundi en ce qui concerne la violation des droits de l'homme est une astuce pour inculper les autorités burundaises. C'est ce que dit Terence Nairaja, le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, lors des manifestations organisées en mairie de Bujumbura ce samedi. Terence Nairaja ajoute que la prise de cette décision aurait été antidatée par la CPI pour atteindre ses objectifs. Et une marche-manifestation contre la récente décision de la Cour pénale internationale de la Haye d'autoriser des enquêtes sur les crimes commis au Burundi depuis avril 2015 a été organisée dans la ville de Rumonge ce samedi. Le gouverneur de Rumonge lance un appel à la population de ne pas se laisser distraire par ce qu'il qualifie de des décisions injustes arrêtées irrégulièrement contre le Burundi. Et 570 pagnes importées frauduleusement ont été saisies ce samedi matin par la brigade spéciale anticorruption. Le porte-parole du ministère de la Bonne Gouvernance dit qu'ils avaient une information que ces pagnes pouvaient être introduites au Burundi en passant par la frontière de Gatumba. Jean Bosco Naimera fait savoir que c'est ceux qui étaient en possession de même que les destinataires. Ils seront remis à une commission de l'OBR conformément à la loi et l'argent obtenu sera versé au compte de l'État. Jean Bosco Naimera, joint au téléphone par Francine Diokoubgayo. La brigade spéciale anticorruption avait eu une information qui disait que des pagnes pourraient être introduites au Burundi en provenance du Congo en passant par la frontière Gatumba. Très tôt ce matin, alors, les agents de la brigade sont allés s'installer dans un endroit où ils savaient que ces pagnes allaient passer. Et puis, vers 5h du matin, ils ont aperçu un véhicule. Effectivement, c'était ce véhicule qui transportait ces pagnes. Et puis, le véhicule a tenté de fuir. Les agents de la brigade l'ont poursuivi. Mais ils ne l'ont atteint que quand ils avaient déjà déchargé ces pagnes au barda d'une maison dont on n'a pas encore pu identifier l'auteur parce que c'était fermé. C'était environ 570 pagnes. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces pagnes? Nous allons nous conformer et par après sont remis à une commission nationale chargée de la vente et logée au sein de l'Office burundais des recettes, OBR. C'est à cet organe-là qu'on va remettre ces pagnes pour qu'elles soient vendues. Les frais obtenus seront versés au compte de l'État. Je vous le disais en titre, Vuga de Vestine vient de remporter la première place de la compétition Isanganiro Award, la 6e édition. Et cette chanson vient après les 5 derniers gagnants, dont Rally Joe avec sa chanson Rekanahe, Yoya de Muyinga Issa Jamal, Wiyumvagute Mkombozi qui a chanté Urudubi, N'John de Karuzi avait chanté Dasavye Ijambo, et dont Spokesman qui était le dernier en titre avec sa chanson Burundi. Les auteurs de détournement de fonds publics et de malversations économiques vont désormais être poursuivis dans les pays où ils iront s'exiler pour échapper à la justice de leur pays. Le président de l'organisation de lutte contre la corruption, Olucom, dit que cette résolution a été adoptée dans la 7e session des États membres de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui s'est tenue à Vienne, en Autriche, du lundi à vendredi de cette semaine. Gabriel Fili précise quand toutes ces résolutions ont été adoptées. Suivez-les, il a été joint au téléphone par notre confrère Joseph Nsabiabandi. D'abord, il y a une résolution qui concerne l'assistance technique aux États qui n'ont pas la capacité de mettre en application la Convention suite au manque de techniques, au manque de moyens. Il y a une résolution qui concerne d'entrée des judiciaires, au fait de la coopération internationale, du recouvrement d'avoir, parce que en fait, ils ont dit que plusieurs États corrompus, certains de leurs dirigeants volent la richesse de leur pays et cachent le fruit du crime de corruption. Et maintenant, avec le vote de cette résolution, 187 États partis à la Convention sont appelés à coopérer aujourd'hui, c'est-à-dire que les corrompus ne pourront pas aller se cacher et cacher les richesses dans tel ou tel pays déjà ratifié la Convention. Il y a aussi une résolution en rapport avec la prévention et combattre la corruption à grande échelle, c'est-à-dire la grande corruption. Cette résolution concerne beaucoup plus la corruption qui s'opère dans les marchés publics, l'accès à l'information, concerne aussi la protection des militants anticorruption et de toutes les personnes qui dénoncent la corruption, la protection des journalistes qui travaillent dans ce domaine. Donc, cette résolution aussi a été adoptée. Il y a aussi la résolution concernant la corruption dans le sport. Ils ont dit que dans le sport, que ce soit au niveau local ou au niveau international, il doit y avoir des mesures de prévention de la corruption dans le sport. Donc, toutes ces résolutions ont été votées et les États partis ont une obligation de les mettre en application. Est-ce que le gouvernement burundais était représenté dans cette session? Le gouvernement du Burundi était représenté par trois délégués. À la tête, c'est le ministre, à la présidence chargée de la bonne gouvernance et du plan. C'est-à-dire que le Burundi aussi est concerné par ces résolutions dans les mises en œuvre. Est-ce que la session a pensé à mettre en place un mécanisme de suivi pour voir si ces résolutions votées sont mises en application dans les pays signataires de cette convention? Il y a un secrétariat général de la session qui est là pour faire le suivi de l'application de toutes les résolutions qui sont prises par la session. Gabriel Ufiri, il a été joint au téléphone par Joseph Nsabiabandi. L'administration communale de Makamba a pris la décision d'exiger à tous les commerçants œuvrant dans le marché du chef-lieu de cette province de remplacer les kiosques et autres étagères en planches par ceux construits en tôle. Jafet Nungwanayo, l'administrateur de cette commune, indique que cette mesure a été prise après que son marché ait failli prendre feu. Il dit aussi que c'est un moyen de prévention. Suivez-le, il est au micro de Aubin Nyunguru et Alain Désiré Bukeyeneza. Il y a quelques temps, nous avons opté pour le renouvellement des constructions des kiosques. Ceci pour éviter les incendies qui pourraient endommager les biens du marché et ou les biens des personnes. C'est pourquoi on a décidé d'inviter les comités des marchands, des commerçants qui œuvrent dans ce marché, afin de faire une réunion. Laquelle réunion ressort en consensus de construire des kiosques en tôle afin d'éviter l'incendie éventuel. Et ceci, on avait donné une durée d'au moins 3 mois parce que l'idée persistait. Donc l'idée était là il y a 3 ans, mais la mise en œuvre de cette décision a eu lieu durant les 3 mois derniers. Apparemment donc, on est avancé dans cette activité. On est à peu près à 98% des kiosques construits. Les autres attendent que les soudeurs terminent les kiosques. Est-ce qu'il s'était manifesté un incendie ou bien c'est pour prévenir? La fois passée, on a constaté une tentative d'incendie. Heureusement qu'il y a eu un secours rapide et on a pu secourir très rapidement. Et aussi, c'est une prévention pour éviter de grosses pertes. Jafet Nungwanayo, il est administrateur communal de Makamba. Le retrait d'un pays de la Cour pénale internationale ne facilite pas les enquêtes sur les crimes commis dans ce pays, de même que l'arrestation des présumés auteurs. Cela est dit par Ernest Sagaga, ancien cadre de cette Cour, travaillant aujourd'hui pour le collectif international des journalistes, FIG en sigle. Ernest Sagaga était l'invité de l'émission Imvoni Vano de la radio anglaise BBC. Il a été traduit par Niyoyangunze Pascal. C'est une question très sensible, mais moi je focalise mon attention sur les victimes, car que ce soit le pays concerné ou ses opposants, chacun a sa perception. Premièrement, la CPI n'a pas de corps de police pour arrêter les coupables dans leur pays. Ce tribunal est là pour rétablir les victimes dans leurs droits. Pour que cela soit possible, avant même que la justice soit rendue, il est indispensable de comprendre le bien fondé de l'existence de ce tribunal, ses compétences et ses limites. Il faut noter que l'ouverture des enquêtes va de pair avec l'ouverture du bureau dans le pays concerné, avec des agents parlant la langue nationale de ce pays, afin de s'entretenir facilement avec les victimes et bien d'autres, avec justement un centre d'assistance aux victimes. Tout cela n'est possible que si le pays accepte de collaborer. L'accueil des agents, la collaboration dans l'arrestation des suspects, tout cela est fait par les institutions du pays. Si alors le Burundi refuse catégoriquement de collaborer avec la CPI, c'est un grand problème. On pourra peut-être attendre le changement des régimes au Burundi pour que les coupables soient arrêtés ou poursuivis par la justice locale, mais on ne sait pas combien de temps cela va prendre. C'est vraiment un blocage pour ce genre de tribunaux qui doivent collaborer avec les pays concernés. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane ku rukiko rushingira rugendera ku bufatanye n'ibihugu rukoreramo. Ernest Sagaga, ancien cadre de la Cour pénale internationale, a été traduit par Pascal Nyoyankunze. Isanganiro, la radio de l'avenir. Continuons notre édition par une brève qui vient de Gitega, où les activités des taxis motards ont été perturbées ce vendredi dans la ville de Gitega. Le motif est que la police effectuait une rafle pour contrôler si les documents sont complets. Certains taxis motards ont préféré garder leur moto à la maison, car même ceux qui sont en ordre se voyaient arrêtés. Et le commissaire provincial à Gitega dit que ce contrôle se fait au commissariat à cause de l'effectif élevé de ces taxis motards. Arthur Kavabushi depuis Gitega. Au moment où ce vendredi, la police a effectué une rafle des taxis motos dans la ville de Gitega pour procéder à la vérification de tous les documents, ça a perturbé les activités des taxis motards. Selon certains taxis motards contactés, du moment qu'ils ont constaté que même ceux qui étaient en ordre voyaient leur moto saisie et conduite au commissariat de police, certains d'entre eux ont préféré laisser leur moto à la maison et ceux qui ont le risque de travailler devraient le faire en cachette. Cette situation a également touché les usagers de ces taxis moto, tant pour l'avoir, mais aussi une fois qu'ils parvenaient à l'avoir, ils devaient payer avant pour qu'une fois arrivé, le taxi motard quitte l'endroit à toute vitesse de peur d'être arrêté. Le commissaire provincial de la police à Gitega, au PP1 accusement en Amérique-Or, indique que le contrôle de documents est en train de se faire au commissariat de police à Gitega. Du fait de l'effectif élevé de ces taxis motos, il ne pouvait pas le faire dans la rue pour éviter de créer des embouteillages. Le commissaire de la police à Gitega fait savoir que ce contrôle est en train d'être fait par des experts de la police, car parmi ces taxis motos, il y en a qui ont des documents frauduleux, mais il tranquillise les taxis motards en disant que toute moto en ordre sera remise à son propriétaire et pour les autres, en plus de l'amende, ils vont aller chercher les documents qui manquent. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Et c'est par cet élément en rapport avec le transport que nous bouclons notre édition de ce 11 novembre 2017, tout en vous rappelant que Vuga de Vestine vient de remporter la première place de la compétition Isanganiro Award, 6e édition, après Rally Joe, Yoya Mkombozi and John et Spokesman. Mais vous saurez que la chanson Ibisazi a retenu la 3e place, Harana Mahoro a eu la 2e place. Et c'est la chanson de groupe Peace and Love. Je vous dis bonsoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue de presse par l'hebdomadaire Iwachu qui revient longuement sur la décision de la Cour pénale internationale de mener des enquêtes sur des crimes relevant de sa compétence qui auraient été commis au Burundi. Faut-il se réjouir pour les uns ou pleurer pour les autres? C'est en effet l'une des interrogations que se pose le journal. La nouvelle tombe comme un couperet pour Bujumbura. Le retrait effectif de la CPI, devenu l'instrument de déstabilisation des pays pauvres, avait été fêté en grande pompe le 27 octobre dernier. Dès l'annonce de cette nouvelle, le conseiller principal et chargé de la communication à la présidence de la République a directement tweeté. La CPI corrompue vient de se tirer encore une balle dans le pied. Sans doute que le Burundi sortira vainqueur de cette bataille, c'est la dernière carte contre l'Occident. Les opposants au pouvoir de Bujumbura, de leur côté, jubilent, selon toujours Iwachu. Pour eux, c'est une victoire pour les familles des victimes. Le porte-parole de la plateforme Sénared, repris par l'hebdomadaire, déclare que le sang des milliers d'innocents crie vengeance au ciel. Le glas a sonné pour les autorités burundaises, dit-il. Vers la réhabilitation et la modernisation du port de Bujumbura, le magazine Burundi Echo se montre confiant. Sur l'agenda du programme de développement du transport intégré sur le lac Tanganyika figure le projet de réhabilitation et de modernisation du port de Bujumbura. Les activités prévues sont entre autres l'extension du quai nord, l'acquisition de nouveaux bateaux de transport des marchandises et des passagers, la construction de hangars pour les conteneurs, l'amélioration de la sécurité maritime, etc. Cela permettra d'augmenter de frais de marchandises avec une capacité additionnelle de 6 000 tonnes, soutient le magazine. Burundi Echo qui écrit que le Burundi a un manque criant de bateaux. Ceux qui sont disponibles ne peuvent même pas transporter la moitié des marchandises qui transitent par le port de Dar es Salaam à destination de Bujumbura. La plupart des équipements datent de la période coloniale et nécessitent d'être remplacés. Au Burundi comme ailleurs, dans les pays riverains du lac Tanganyika, l'extension et la modernisation des ports constituent une urgence, renchérit notre confrère. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur le temps scolaire. Les 8 heures de cours sont un lourd fardeau pour les élèves, écrit-il. Avec un ventre creux sous une chaleur étouffante, les élèves peinent à suivre correctement les cours programmés à la 8e heure. À en croire les enseignants des écoles de la ville de Bujumbura, il arrive que les enfants s'évanouissent en plein cours. Pendant les dernières séances de la journée, les enseignants ne peuvent pas introduire une nouvelle leçon ou donner une évaluation. Mais il y a une astuce chez certaines écoles privées en vue de ne pas surmener les élèves. Elles ont pris la décision de dispenser les cours samedi au lieu de 8 heures de cours par jour. Ce surménage n'est pas seulement ressenti par les élèves, même les enseignants disent qu'à la 8e heure de cours, ils sont à bout de force et ne peuvent pas conduire correctement la leçon. Revue de la presse. L'agence Net Presse écrit sur la visite des évêques catholiques du Burundi aux réfugiés de Mahama, c'est à l'est du Rwanda, près de la frontière avec la Tanzanie. La visite a eu lieu le 8 novembre. Ces évêques, qui étaient dirigés par Mgr Joachim Naondereye du diocèse de Muyinga, avaient un message d'amour à ces réfugiés burundais, selon toujours l'agence en ligne. Au cours de la messe célébrée sur le lieu, Mgr Naondereye a promis que l'Église va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la paix revienne, afin que les réfugiés puissent rentrer dans le pays. L'agence burundaise de presse revient sur le processus en cours pour le remplacement des commissaires de la commission Vérité et Réconciliation qui ont quitté leur poste. Ils sont au nombre de 3 et c'est l'Assemblée nationale qui va bientôt procéder à leur remplacement. Le porte-parole de cette institution a déclaré jeudi qu'une commission chargée de ce travail est déjà mise sur pied. Le dépôt des candidatures est prévu du 10 au 23 novembre. La CVR comprend 11 commissaires, dont au moins 4 femmes et un membre de la communauté batois. La communauté des blogueurs Yaga est revenue sur le nouveau décret régissant le tambour burundais. Autrefois source et vecteur d'unité nationale, le tambour divise dans la société burundaise depuis quelques jours. Et pour cause, le nouveau décret avec l'article qui interdit aux femmes de s'approcher de ce patrimoine culturel. Des émissions y ont été consacrées, des articles ont été rédigés dans la presse locale, parfois même internationale. Le débat s'est aussi invité sur les réseaux sociaux où il a été encore plus virulent. À voir le débat qu'a suscité ce décret et les contestations, manipulations, désinformations qui s'en sont suivies, personne n'a mis en contexte le décret, soutient le billet qui estime en fin de compte que interdire aux femmes de battre le tambour ne devrait pas diviser. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Léon Sebitaliho et Francine Ndiokubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.